Vous écoutez Futur Simple sur CKRL 89.1 et on va rester un peu sur le même thème, celui des facteurs qui menacent non pas des civilisations, mais ce qui les caractérise comme les sites culturels de l'UNESCO. Alors, on en parle avec Mélanie Jean. Bonjour Mélanie. Bonjour François. Est-ce que tu sais qu'est-ce que la Statue de la Liberté à New York ou l'Opéra de Sydney en Australie ou même la Place Saint-Marc à Venise ont en commun? Ben écoute, pour en avoir visité plusieurs, je te dirais que oui, ce sont tous des sites culturels de l'UNESCO, n'est-ce pas? Oui, et c'est des sites magnifiques aussi. Tout à fait. Mais malheureusement, le point qu'ils ont en commun est un peu négatif. Ces sites du patrimoine mondial culturel de l'UNESCO sont tous menacés par la hausse du niveau de la mer. Ah, suite finalement au changement climatique, oui, j'imagine, c'est ça. Parce que là, la hausse du niveau des océans menace non seulement les zones côtières qui sont habitées, mais aussi à peu près 20% du patrimoine mondial de l'UNESCO. Et l'augmentation de la température moyenne de la planète, ben, ça conduit à l'élévation du niveau de la mer. C'est la principale raison qui fait que l'océan se dilate. On appelle ça la dilatation thermique de l'eau. Oui, parce que la densité change en fonction de la température qui s'élève. Exactement. L'eau est moins dense, donc elle occupe plus grand volume, c'est ça? Exactement. Et là, ben, en plus de ça, on a la fonte de la glace continentale. Du Groenland et de l'Antarctique qui vient augmenter. Parce qu'une banquise, ce qu'ils font, c'est faut de penser que ça va faire augmenter le niveau de l'océan parce qu'elle est déjà dans l'eau. C'est la glace continentale qui va venir faire augmenter. C'est ça qui se trouve sur le sol, effectivement. Oui. Donc, selon des simulations, il y a à peu près entre 40 et 136 sites qui pourraient être affectés par la hausse du niveau de la mer sur un total d'environ 720 sites qui sont considérés patrimoine mondial culturel sur la liste qu'on appelle héritage mondial de l'UNESCO. Mm-hmm. Et c'est une étude qui a été réalisée par Ben Marzeon et son collègue Anders Leverman. C'est des spécialistes du climat qui ont dirigé une étude pour l'Institute for Climate Impact à Potsdam, en Allemagne. Et selon leurs projections, la fonte des calottes glaciaires de l'Arctique et du Groenland va placer à peu près 136 sites sous le niveau de la mer. Oh. Et on disait, là, c'est l'équivalent de 20% des sites. Donc, c'est une grosse part. C'est pas négligeable. Et parmi ces sites, comme on a parlé au début, ben, il y a l'arrondissement historique du Vieux-Québec, il y a le Mont-Saint-Michel en France, il y a l'Anse-aux-Meadows à Terre-Neuve, la Tour de Pise en Italie, le Palais de Westminster, la Tour de Londres, le site archéologique de Pompéi. La liste s'allonge, elle fait mal au cœur. Venise, bien entendu. Ouais. Oui, ben Venise, c'est déjà même inondé déjà assez régulièrement. Ouais, ça fait. Pour ne nommer que ceux-là, parce qu'il y en a encore plein d'autres. Donc, une augmentation de température qui peut paraître minime, on parle de 1 degré Celsius, maintenue pendant 2000 ans, va menacer 40 des 727 culturels qui sont inscrits sur la liste de l'UNESCO et aussi, entre parenthèses, 0,7% des terres mondiales. C'est pas rien. Et en cas d'une hausse plus importante de 3 degrés Celsius, ben, ce nombre va s'élever à 136. Donc là, on arrive à 20% environ de nos 727 et 1,1% des terres mondiales. Et la population mondiale, ben, comme la majorité des sites patrimoniaux, qui est défini par l'UNESCO, ben, est situé près des côtes. Donc, les premières conséquences de la montée des eaux sur ces sites, ben, malheureusement, ils vont vraiment avoir bel et bien lieu au cours du 21e siècle. En fait, on n'avait jamais, peut-être pas encore vu les conséquences des changements climatiques sous cet angle-là. Oui. Parce que c'est, en plus d'un enjeu économique et environnemental, ben, là, on se rend compte qu'il y a des implications culturelles au réchauffement climatique. Puis cette étude-là est vraiment intéressante dans la mesure où ben, ça permet de donner une valeur à la perte qu'on considère irréversible du patrimoine à long terme, en termes là, de vestiges historiques qui vont avoir carrément disparu, puis des zones qui ne seront plus du tout habitables non plus. Parce qu'en cas d'une hausse de 3 degrés Celsius, ben, on estime que c'est entre 3 et 12 pays dans le monde qui vont perdre à peu près la moitié de leur surface actuelle. Okay. C'est énorme. C'est énorme. Ça va faire beaucoup de réfugiés, cela. Oui, puis c'est déjà un peu commencé là, dans les régions, par exemple, le Bangladesh, qui est vraiment très, très près du niveau de la mer. Là. Il y a déjà des réfugiés climatiques qui se réfugient en Inde, puis ça pose des problèmes. Oui, en tout cas, il y a du refoulement, ça, c'est certain. Oui. Il y a plusieurs sites du patrimoine mondial de l'UNESCO qui sont déjà, en plus, en péril en raison de guerres civiles, de conflits militaires, là, par exemple la Syrie. La déforestation ou d'un manque de protection adéquate, de pillage, de braconnage, d'érosion naturelle, ou bien de catastrophes comme des séismes, des ouragans, des incendies. Et de ça, il y a près de 77 qui font déjà d'ailleurs partie de ce qu'on appelle la liste du patrimoine mondial en péril. Alors, parmi ces 70 sites-là, est-ce que tu as quelques exemples à nous donner? Oui, par exemple, au Vietnam, ça c'est très connu, les fameux villages flottants de la baie de Halong sont vraiment emblématiques de la beauté de la région. C'est magnifique pour ceux qui sont déjà allés. C'est super beau. Et la baie, on dirait que les roches sortent de l'eau. Oui. C'est magnifique. Oui. On dirait que les roches émergent de l'eau. À chaque fois qu'on voit une image du Vietnam, c'est pas mal toujours celle-là qu'on voit. Mais cependant, les changements climatiques et aussi l'augmentation énorme du tourisme met en péril la pérennité de ce site naturel qui est magnifique. Les désastres naturels affectent sensiblement la protection du patrimoine mondial. C'est vraiment une cause importante. Pour donner un autre exemple, en septembre 2010, la ville historique de Christchurch, en Nouvelle-Zélande, a été vraiment endommagée par un tremblement de terre. Il y a des... Il y a une ancienne église là qui a été pratiquement toute démolie. OK. Ben là, à ce moment-là, on n'a pas trop le choix de démolir ce qui reste ou d'essayer de refaire quelque chose avec ce qui reste. Oui, peut-être essayer de reconstruire si les matériaux sont pas trop abîmés. Oui. Et aussi, la ville historique de Trujillo, en Espagne, ça a été construite au 11e siècle. Cette ville-là possède, un peu comme Québec, là, des remparts, c'est magnifique. Mm-hmm. Et c'est un bijou du patrimoine de l'époque médiévale. Aujourd'hui, il y a certains éléments historiques qui sont en danger, principalement en raison des plans de la région qui veut agrandir une ferme solaire, de panneaux solaires, et pour produire de l'énergie renouvelable. Okay. C'est quand même pour une bonne cause. Effectivement. Mais même si ce développement est bon pour l'environnement, ce développement énergétique-là affecterait plusieurs caractéristiques de cette ville, notamment son héritage culturel et sa qualité de vie. Et les conflits armés doivent aussi menacer quelques sites? Énormément. En Syrie, là, c'est vraiment le meilleur exemple. Ah. Il y a vraiment beaucoup de sites archéologiques qui sont victimes de cette guerre civile-là. Et d'ailleurs, la Syrie, c'est renommée pour être le pays dont le patrimoine est le plus riche au monde. Ah bon? Okay. Par le nombre et la variété de ces sites archéologiques, on estime à peu près à 6000 le nombre de sites archéologiques. Parce que la Syrie, ça fait extrêmement longtemps que la population vit là. Ah. Donc là, on remonte à l'aube de l'humanité. Le patrimoine est très ancien. Mais malheureusement, il y a un rapport qui a été publié en mai 2012 qui disait que 3 des 6 sites syriens qui sont classés patrimoine mondial ont été atteints par des bombardements. Donc, la moitié des sites ont été détruits par la guerre. Et le patrimoine syrien, c'est pas le seul de la région à souffrir des révoltes arabes. Un autre exemple qui est un peu plus récent, en 2011... Vous vous souvenez de la révolte qu'il y a eu en Égypte? Oui. Il y a des gens qui carrément rentraient dans le musée du Caire pour briser ou voler des artefacts. OK. Carrément. Des œuvres. Puis là, heureusement, il y a des citoyens qui les ont vu faire, puis qu'il y en a quelques-uns qui ont été rattrapés. Mais c'est un autre exemple, c'est carrément un pillage culturel d'une société. Tout à fait. Là. Donc, c'est malheureux parce que ces sites-là, c'est très précieux. Ben merci beaucoup Mélanie de nous avoir brossé ce si triste tableau, je dirais, dont l'issue pourrait quand même changer si, comme Valérie le disait en début d'émission, si on décidait de faire les bons choix. Oui. Alors merci beaucoup. Nous allons passer en pause publicitaire et on vous revient tout de suite après avec une entrevue avec Valérie Borde.